La mort et la vie de Louise Angélique Bertin. Si la mort est le but, pourquoi donc sur les routes est-il dans les buissons de si charmantes fleurs? Et lorsqu'au vent d'automne, elles s'envolent toutes, pourquoi les voir partir d'un œil momifié de pleurs? Si la vie est le but, pourquoi donc sur les routes tant de pierres dans l'herbe et d'épines aux fleurs? Que pendant le voyage, hélas, nous devons toutes tacher de notre sang et mouiller de nos pleurs.